Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais deux fois le même numéro dans la même soirée. Obligé. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais deux fois le même numéro dans la même soirée. Obligé.